Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues FR. Blues FR numéro 6, nouvelle formule, sera entièrement, enfin presque entièrement consacrée à des groupes avec chanteuses, sauf la dernière vieillerie. Alors on aura donc trois nouveautés, enfin The Butt Shakers, c'est plus tout à fait une nouveauté, mais c'est quand même assez récent. Ellie's and Sugar Sweets et Mama's Biscuits. Et puis ensuite les vieilleries, il y a 10 ans Lazy Buddies et il y a 20 ans le seul mâle, mais quel mâle de l'émission, DBT, Daniel Blanc Trio. Le disque des Butt Shakers s'appelle Arcadia. Voici un extrait de ce qu'en dit Paris Move. Un embrasement des sens, un voyage en Arcadie, terre pastorale rêvée comme une utopie depuis la Renaissance. Ce n'est que quand Clara s'éclipse que le reste du combo lyonnais, Sylvain Lawrence, guitare, Jean Joly et Jocelyn Soutrenon, basse, batterie, s'oublient dans une récréation mystico-psychédélique dont seuls les cuivres invités semblent être en mesure de sonner la fin. When Nous sommes toujours avec The Butt Shakers. Voici un extrait de ce qu'on dit rock and folk. Avec le second album anglophone, on plonge dans le bain revigorant de soul soyeuse et de rhythm and blues torride porté par la voix rugissante de Clara Thompson, une américaine originaire du Missouri installée à Lyon, et de la formation cuivrée de 5 musiciens qui lui sert d'écrin depuis 12 ans. Rien de forcé, rien d'hésitant, rien de parachuté, aux antipodes de l'exercice de style, tout semble couler de source au fil de 10 morceaux originaux qui palpitent d'un groove contagieux et imposent la valeur d'un groupe soudé autour d'une performance vocale digne des plus grands. Walk these streets that I know since Elise and the Sugar Sweets. Sur Paris Move, voici un album qui pète le feu. Imaginons la délicatesse d'une chanteuse au milieu d'un fort mélodieux vacarme produit par un combo pour qui blues, soul, rhythm and blues sont comme une seconde peau et promptes à vous filer la chair de poule. Les 10 titres, en plus d'être de véritables écrins pour la voix de Yula Gubenko, sont de superbes morceaux de musique bleue. Il faut dire que les Lascars ont mis le paquet. Non seulement on retrouve 4 musiciens hors pair, Olivier Raymond aux guitares, Bala Pradal au clavier, Jérôme Ferrier à la basse et Olivier Ferrier à la batterie et aux percussions, mais également une poignée d'invités, pas piqués des hannetons, je ne peux pas vous les citer tous. Il est temps de renverser les barrières et que pareille formation soit entendue par le plus grand nombre, car Elise and the Sugar Sweets rivalise sans gêne aucune avec certaines des meilleures formations anglo-saxonnes. When purple rain sky catches my soul, you and I together before the fall counts to the emptiness of my wounded heart. Oh, the pain, why did we have to pass? The sun goes down, it's the dawn. Avec Elise and the Sugar Sweets, l'album s'appelle Orocho, et c'est au tour de Gilles Blancpain sur Blues Again de nous parler de ce disque. La douceur du visuel de la pochette contraste avec la puissance qui se dégage de l'album. Ça démarre très fort, sur un rythme frétillant animé par une guitare virevoltante. Ça ne faiblit pas pendant les 43 minutes du CD. Porteur d'un groove d'enfer, Yulia Gubenko s'exprime d'une voix claire et forte. Les 10 compositions originales présentées naviguent entre rhythm and blues, soul et funk, sans oublier quelques pointes de rock. L'intitulé Orocho, bien ou bon en russe, ne trompe pas sur la qualité de la marchandise. L'excellence est au rendez-vous. Forte d'une maîtrise instrumentale sans faille, alliée à une réelle finesse d'exécution, la formation qui a su créer sa propre identité sonore nous offre une prestation de caractère. L'ensemble a beaucoup de charme et il est manifeste que rien n'a été laissé au hasard. La production très soignée met les sens en éveil. Play with the shapes. She's the one who made. sister, don't play with this kitty. I. Wanna talk, shine a heart? Give me some space when I tell you bye-bye. You got one shot, you're not so hot. Silly, silly, silly, you got busted. Did I ask for your guidance? I'm a big girl, I don't need your violence. My girl has got shapes. She's hairy, don't worry about her belly. My girl has got shapes. She's hairy. Troisième CD de ce Blues FR numéro 6, c'est Mama's Biscuit. L'album s'appelle Love Advice. Nous restons sur le site Blues Again avec toujours Gilles Blampin à la plume. Enfin une nouvelle production de Mama's Biscuit après 10 ans de silence discographique. L'attente a été longue mais le plaisir est au rendez-vous. La qualité, ça se mérite. Voilà une jolie bulle sonore où la virtuosité le dispute au feeling. Véronique Soria, avec sa voix chaude et prenante, tour à tour, fougueuse, sensuelle, chaleureuse, est toujours très bien entourée. Jérémy Taper est aux guitares, Hervé Guillet, Bruno Morin et Christophe Garraud se partagent la basse, Philippe Floris est à la batterie aux percussions et Bala Pradal au clavier. Et toute cette belle équipe est rejointe pour quelques titres par Vincent Buchet à l'harmonica, Didier Marty au saxophone et Lionel Boré à l'orgue. On peut dire qu'on a affaire à un band d'excellence. Through the despair, such is the love, such is the love. Oh, broken girl, she asks why, what does it have to be? Sweet you are. Someday she hoped, she hoped that it would end, so that she could really mend. Such is a lie. What is really there? by the hand I always yield. Such was the love. Such was the love. Toujours avec Mama's Biscuit, l'album Love Advice. Et toujours avec Blues Again. L'album présente 12 chansons, mêlant standards revisités de façon inhabituelle et compositions originales. Véronique Soria signe seule ou en collaboration des textes et des musiques de belle facture. Et si elle s'exprime dans un anglais qui impose souvent sa musicalité, elle démontre qu'elle sait également faire sonner le verbe français de manière tout aussi dynamique en soul et en blues. L'émotion est là, ça vibre, ça palpite et on se laisse bercer avec plaisir d'une plage à l'autre. Un grand souffle parcourt cette production dont la force réside dans sa vitalité et sa finesse d'exécution. Et en bonus, saluons également le soin apporté au visuel de la pochette. J'ai jeté l'éponge et l'eau du bain. Fini mon songe, adieu pâte. Et j'ai lavé le linge en famille. Relax et mes ménages, j'ai oublié ses boutiques. J'ai jeté l'éponge et l'eau du bain. Mes rêves, j'y songe, maintenant pas demain. J'ai jeté l'éponge et l'eau du bain. Fini mensonge, adieu pâte. J'irai broyer du rose, chasser la magie noire. Laisser aller les choses au gré de mon bon vouloir. Oublier d'être pressé, écrire des chansons. Laisser la vie me gagner et tomber toutes les bonnes leçons. J'ai jeté bon, manger l'eau du bain. Fini mensonge, adieu pâte. J'ai jeté l'éponge et l'eau du bain. Mes rêves, j'y songe, maintenant pas demain. Plus jamais être sage, épouser mes désirs. Savoir ouvrir la page jusqu'à la fin du livre. Et faire n'importe quoi, juste pas envie. Au moins une fois par mois, oh, pour se sentir en vie. J'ai l'eau du bain. Fini mensonge, adieu pâte. J'ai jeté l'éponge, j'ai l'eau du bain. Mes rêves, j'y songe, maintenant pas demain. J'ai jeté l'éponge, j'ai l'eau du bain. Fini mensonge, adieu pâte. Mes rêves, j'y songe, maintenant pas demain. Fini mensonge. Adieu, pâte, à mes rêves songes. Maintenant, pas demain. Et nous voici déjà arrivés au terme de l'émission avec les vieilleries de la semaine ou du mois. Alors, tout d'abord, Lazy Buddies, c'était il y a 10 ans. En 2012, l'album s'appelle Play It Loud. Extrait du site Bleu Blanc Blues. Rennes pourrait presque devenir la capitale du blues et du swing des années 50 avec un groupe comme les Lazy Buddies, digne représentant d'un genre qui n'a pas perdu une once de séduction avec les années. Il faut avouer que quand Soisic le Breton arrive sur scène et qu'elle se met à chanter de sa voix chaude et colorée, c'est toute la salle qui attrape une suée et qui se met à envier ses complices. Couronnée en 2010 au Tremplin Blues sur scène et au Cahors Blues Festival, le groupe a gagné ses entrées sur les plus grandes manifestations nationales comme Cognac Blues Passion et l'Europa Jazz Festival. Et c'est en sortant un album unanimement salué un an plus tard que les Lazy Buddies ont confirmé tous les espoirs placés en eux. Se retrouvant début 2012 sur les planches de la salle du tambour, quasiment à la maison, et profitant de l'occasion pour immortaliser l'instant au travers d'un album live enregistré dans le cadre des ateliers de la licence professionnelle Sian de l'Université Rennes 2. Une belle preuve de confiance mutuelle. À la guitare ce soir pour vous, c'était Guillaume Rousseau. Faites du bruit, Guillaume Rousseau. À l'harmonica. We'll be right back. C'était il y a 20 ans, DBT, l'album Blues de Vache. Eh oui, mesdames, messieurs, nous remontons le temps. Et sur le site Bleu Blanc Blues, j'avais collationné quelques critiques d'amis journalistes plumitifs. Et Poyce, le regretté Poyce, il était chanteur, guitariste et de la belle ouvrage en français. Eh bien, voici ce qu'il écrivait à propos du disque de DBT. « On me demande de rester cool et moi, ça me fout les boules. Il y a des jours comme ça, on fait de très bonnes découvertes dans sa boîte aux lettres. Par exemple, moi qui vous cause, j'en ai fait une il y a peu. Pas vraiment une surprise, les abonnés de la Gazette de Greenwood et surtout ceux qui suivent attentivement les mails de la liste de diffusion ont forcément été au courant. Un nouveau CD français de blues qui vient de sortir, celui de DBT. D'abord, me direz-vous, qui est-ce DBT ? Eh bien, ce sont quatre fort bons musiciens qui forment le Daniel Blanc Trio, un peu comme les Mousquetaires, quoi. Nous avons donc Daniel Blanc à la guitare et au chant, Alexandre Ollagnier à la batterie, Jean-Luc Guillamot au clavier, piano et orgue, et Carlos Serrano à la basse. Bon, j'ai un a priori favorable en ce qui concerne les Français qui hautent, composites dans cette langue. Je sais, le blues est américain, gna gna gna, ce qui, à ma connaissance, n'empêche nullement les Cajuns de le chanter dans leur idiome. Marrant, avant même d'écouter ce disque, j'en ai eu quelques échos. Pas tous flatteurs, il faut l'avouer. Donc j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Quand j'entends Roberto, par exemple, je ne cherche pas de message particulier. Ça me fait plutôt penser au délire de Nino Ferrer, jeune. Dans ma bouche, c'est un compliment. D'ailleurs, le naturel, il est bien en toile de fond de blues de vache. On demande de rester cool. Et moi, ça me fout les boules. D'avoir quelqu'un qui me dit tout le temps. Ferme ton clapet, mon grand. Je vais te frapper, puis je vais te saigner. Tu vas la fermer. Quand je vois cette fille, j'ai les yeux qui brillent. Et puis quand elle m'adresse la parole, j'ai mon slip qui se décolle. Je vais te frapper. Je vais te saigner, tu vas la fermer. Un petit texte de Joël Bizon, toujours sur le site Bleu Blanc Blues. J'avais déjà dit du bien du premier album de ce quatuor de blues rock camarguais. Eh bien, n'en déplaise aux puristes, je réitère. Daniel Blanc est inspiré et il remet les couverts avec ce deuxième scud au son très rock. 12 compositions en français, texte incisif et bien gras, racontant les petits tracas de notre pauvre existence. Véritable instantané, gratignant gentiment et avec humour quelques pans de la société qui marche la tête à l'envers. Tout le monde en prend pour son grade. Les chasseurs, les politiquement corrects, les nouveaux héros du ballon rond, tout cela sans le vécu, les balades à cheval, les gardiens, la vache harcelée par les taureaux, le sang, la sueur. Et les mecs, pas de quoi engager une masturbation intellectuelle collective, c'est du blues rock, certainement, mais c'est quand même du blues. Pas facile d'écrire en français. La prairie, ce bel univers fleuri, a brûlé, faute de l'avoir préservé. Chanter la liberté. L'homme est arrivé, cet étranger qui a des idées. reconditionné. De tout reconditionné. Oh, crazy man, tu l'as fait pour de l'argent. Oh, crazy man, car tu n'es jamais content. Oh, crazy man, tu n'es qu'un pauvre démon. Oh, crazy man, jamais assez gros. On devine que la voix n'est pas divine. Numéro qui se répète à nouveau. L'homme est arrivé, c'est étranger. De tout reconditionner. C'était l'émission Blues FR.